La science CQFD, Natacha Triou. De nombreuses découvertes viennent affiner nos connaissances sur l'homme et la femme de Néandertal. De quelle façon notre vision de nos lointains cousins continue-t-elle d'évoluer ? Apparu il y a environ 400 000 ans, Néandertal a disparu il y a 42 000 ans. On ne sait pas ce qui lui a été fatal. Et finalement, il n'a pas vraiment disparu puisque 1 à 4% de notre génome provient des Néandertaliens. Les deux espèces se sont côtoyées en Europe il y a environ 50 000 ans. Et de nouvelles preuves témoignent de ces interactions. C'est cette proximité qui passionne les scientifiques. Mais que sait-on de cette humanité éteinte et comment penser un autre type d'humain différent de Sapiens ? Néandertal, portrait caché. Amélie Vialet, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléanthropologue, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Ludovic Slimak, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes archéologue, chercheur CNRS au laboratoire Centre d'Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse et vous venez de publier Le Dernier Néandertalien aux éditions Odile Jacob. Merci à vous deux d'être là avec nous en direct de France Culture et merci à vous qui nous écoutez. Je vous invite aussi à nous suivre sur Twitter. Vous y retrouverez de nombreuses ressources complémentaires sur notre live tweet. C'est tout de suite sur notre fil @sciencecqfd. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de la façon dont notre regard a changé sur ce groupe d'hominines fossiles, de ce que l'on connaît de la culture néandertalienne et de ce que l'on sait des relations entre Sapiens et Néandertal. On commence avec la découverte d'une nouvelle espèce humaine antérieure à la nôtre, une histoire qui commence en 1856. Je vous propose de nous retrouver dans l'une des régions occidentales de l'Allemagne, la Rhénanie-Westphalie. Plus précisément dans la région de Düsseldorf, dans la vallée de Néander. C'est là, en 1856, dans une grotte de cette vallée, que furent découverts une calotte crânienne et quelques os humains. Ce sont ces quelques restes qui ont été baptisés pour l'éternité « homme de Néandertal » ou si vous préférez « Homo Néandertalensis ». Ce maillon de la longue chaîne de transformation humaine n'est pas le seul. On a retrouvé depuis des ossements semblables en France, en Belgique, en Italie, en Croatie, mais aussi en Palestine et en Afrique du Nord. Voilà pourquoi l'homme de Néandertal constitue à lui seul un type de population tant par sa morphologie que par sa façon de vivre. Mais au fait, quand vivait-il cet homme de Néandertal ? Les scientifiques estiment que sa présence sur Terre s'est échelonnée entre l'an 100 000 et l'an 35 000 avant notre ère. Cet homme qui se tient debout est de petite taille. Il doit mesurer environ 1,50 m. Si son corps est trapu, son crâne, lui, est allongé relativement bas. La boîte crânienne aplatie a une capacité moyenne de 1450 cm3, ce qui lui donne un cerveau de taille équivalente au nôtre. Son large nez, ses mâchoires saillantes et son menton fuyant contrastent étrangement avec des arcades sourcilières très développées. Tandis que le front est lui aussi fuyant, la dentition de l'homme de Néandertal est proéminente, à tel point qu'un large espace s'est formé entre la dernière molaire et la mandibule, c'est-à-dire l'os de la mâchoire inférieure. L'homme de Néandertal, qui se réfugie dans les grottes, ne vit pas seul. Il chasse en groupe et utilise des outils taillés dans du silex. Incontestablement, cet homme de Néandertal est l'un de nos lointains ancêtres. Voilà une archive de 1997. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Ludovic Slimak ? Les connaissances ont énormément évolué. Aujourd'hui, on ne le fait pas descendre aussi au sud. On ne le trouve pas, pour l'instant, en Afrique du Nord. Mais on le fait partir beaucoup plus loin à l'est, au moins jusqu'au sud-ouest de la Sibérie. Sa chronologie n'est plus la même. Il va plus loin dans le temps. Et il semblerait qu'il disparaisse avant ses 35 000 ans, sauf peut-être dans quelques poches. Mais c'est très difficile, en fait. On a du mal à savoir où et quand persistent des Néandertaliens, à quel moment ces populations s'éteignent et pourquoi ? Puisque ces populations-là sont des populations éteintes dans lesquelles on voit effectivement des fuitages génétiques dans quelques populations encore sur Terre, mais c'est très partiel et ces fuitages génétiques-là n'indiquent pas que ces populations-là auraient survécu, mais nous indiquent que les populations se sont rencontrées. Et l'exemple que je donne généralement pour essayer de comprendre ce qu'était un univers à plusieurs humanités et dans lequel on puisse voir des traces génétiques sans que ce soit nos ancêtres, c'est imaginons que soudainement, du jour au lendemain, et on ne sait pas pourquoi, les loups disparaissent. On ne sait pas pourquoi, il n'y a plus de loups sur Terre. Et le fait que l'essentiel du génome des loups puisse se retrouver dans votre caniche n'indique pas que les loups ne se seraient pas éteints. Et donc on est dans ces complexités-là. Bien sûr, on parle de de nature humaine, et donc on est dans la très très grande complexité. Amélie Vialet, vous aussi une réaction à cette archive de 1997? Oui, moi ce qui me frappe là, c'est qu'ils sont très bien décrits d'un point de vue morphologique, et là pour le coup, on n'a pas trop évolué, si je puis utiliser ce terme, sur ce domaine-là, et ça fait partie justement du succès des Néandertaliens. C'est qu'en fait, comme justement ils ont une anatomie très particulière, une face très projetée vers l'avant, c'est rappelé ici, juste peut-être sur la capacité endocrânienne, donc le volume du cerveau, là il est indiqué autour de 1400 cm3, ce qui n'est pas faux, mais on a quand même des individus qui ont un volume plus important encore, parce que ça c'est quand même un caractère qui est assez marquant. Mais donc ça fait partie de leur succès, et ça montre bien qu'ils sont le fruit d'une espèce de dérive génétique. Sans doute ils ont évolué avec un certain isolement, ce qui fait que ces caractères morphologiques, ils ont été de plus en plus marqués au cours du temps. Donc on les reconnaît bien. Et donc ça, dès l'origine, dès le moment où on met au jour ces premiers fossiles, on est au milieu du 19e siècle, eh bien en fait, on va les identifier, on ne va pas les reconnaître tout de suite comme étant des Néandertaliens, ni même les intégrer tout de suite dans notre arbre généalogique, hein, ça va prendre beaucoup de temps, mais on va être capable de les identifier, de les reconnaître. Et ça fait donc partie de leur succès. Les gens aujourd'hui, je pense que le grand public aujourd'hui, sait tout à fait de quoi ils parlent quand il évoque le terme néandertalien. Oui, on se représente assez facilement leur visage. Mais c'est vrai que cette histoire de Néandertal, c'est aussi l'histoire du regard que l'on porte sur lui. Comment la façon dont on a perçu le Néandertalien a-t-elle évolué au cours du temps? Comment est-il perçu au départ, Amélie Vialet? Alors justement, Ludovic disait qu'on avait acquis de nouvelles connaissances, ce qui bien évidemment est vrai, mais je pense que l'essentiel, c'est pas le fait qu'on ait plus, qu'on connaisse mieux ces hommes de Néandertal, c'est le fait que avec les mêmes faits archéologiques, justement, on a des interprétations un peu différentes. Donc c'est bien notre regard qui a changé. En fait, on a toute une première partie où on découvre ces Néandertaliens entre le milieu du 19e et le milieu 20e, où finalement, on va accumuler des preuves du côté un petit peu bestial de ces individus, hein, sur lesquels on pourra revenir. Par exemple, en 1899, en découvrant les restes humains dans le site de Krapina, on se rend compte qu'ils ont certainement été cannibalisés. Donc en plus du reste, j'allais dire, on les imagine cannibale, donc évidemment ça donne un côté encore plus impressionnant. Mais on va après, et la bascule elle se fait après la Seconde Guerre mondiale, parce que justement l'ensemble de notre société a changé, parce que le regard sur les autres a changé, parce qu'on est après la Seconde Guerre mondiale, après toutes ces horreurs, parce que la génétique a mis aussi en évidence le fait qu'on appartient tous à une seule et même espèce, et donc c'est la fin de tout ce qui est anthropologie raciologique. Tout ça vole un peu en éclats, donc c'est un nouveau cadre dans lequel on va repenser l'effet archéologique lié aux Néandertaliens, et on va être dans un processus de réhabilitation jusqu'à les considérer aujourd'hui tout à fait comme nos équivalents. Oui, une réhabilitation, puisqu'au départ on les voit donc comme des ratés de l'évolution, mais comme vous le dites, hein, depuis 40 ans, Néandertal fait l'objet d'une réhabilitation, on le présente de plus en plus comme un semblable et non plus comme une brute épaisse. Et vous dites d'ailleurs, hein, Ludovic Slimak, que depuis plusieurs décennies, on a même enfermé Néandertal dans une image miroir de nous. C'est là où on touche à la complexité. Effectivement, on a ces deux temps d'une sorte d'humanité qui nous serait inférieure et à une volonté de réhabiliter et de vouloir en faire un autre nous-mêmes. Et c'est mon premier livre, le Néandertal nu, dans lequel j'explore ce que ça veut dire et ce que j'explore ce que ça veut dire dans nos regards, partant du constat que comment pourrait-on être pleinement nous-mêmes et avoir de longues divergences génétiques durant des dizaines ou des centaines de milliers d'années, des isolements dans des contextes géographiques extrêmement divergents? Et la réponse est très difficile à apporter, et je pense que c'est pour ça que c'est très dur. Donc on a eu effectivement l'image de l'homme sauvage et puis l'image d'un Néandertalien qui était juste nous. Et finalement, s'il est juste nous, il est peut-être beaucoup moins intéressant que ce que l'on en pensait. Et en interrogeant, je suis pas parti d'idées préconçues, j'ai passé 30 ans à me dire je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'il est, je ne sais pas comment il structure sa vision du monde. Et tout ça a été très progressif, et dans Néandertal nu, ce que j'interroge, c'est notre regard, et notre regard qui finalement le contraint. Quand on prend les dernières grandes expositions sur Néandertal, on l'a mis en costard-cravate, on l'a mis en poinçonneur de métro, et je pense qu'il y avait effectivement une volonté de réhabilitation, et que c'était aussi un piège, c'était le deuxième piège qui le contraignait en nous-mêmes, et qui me rappelle dans Néandertal nu Je rappelle ce qu'on a fait aux Indiens des plaines. On est allé dans les tribus, on est allé chercher des petits gamins et on les a mis dans des écoles, on les a christianisés, on leur a interdit leur langue, on leur a coupé les cheveux, on les a mis en costard cravate. Et là, on a dit, regardez, finalement, ils sont humains, ils sont comme nous. Et quelque part, ce processus de réhabilitation est une forme de racisme 2.0, car le racisme, ce n'est pas seulement ne pas aimer la différence, c'est dire... Pour que tu sois humain, tu dois être comme moi. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, avec Néandertal, et depuis quelques décennies, on ait fait ça, et qu'on n'ait pas interrogé très directement Néandertal en lui demandant qui il était. Oui, vous dites bien que notre regard sur Néandertal et son évolution nous en dit beaucoup sur notre société actuelle et sur notre rapport à l'altérité. Avant de prolonger sur ces connaissances, je voudrais bien qu'on fasse un petit rappel chronologique, un rappel de ces premiers hommes, de comment plusieurs espèces humaines se sont simultanément dispersées sur la Terre, Amélie Viallet. Alors, sur l'histoire de Néandertal, en fait, c'est un petit peu complexe dans le sens où on l'a dit, comme cette morphologie particulière qu'on leur connaît se met en place au cours du temps, eh bien, en fait, il faut remonter assez loin pour trouver les tout premiers caractères mis en place. Mais finalement, on les trouve dès les premiers fossiles européens, sur les plus anciens fossiles d'Atapuerca, Grandolina, on a déjà quelques caractères morphologiques qui seront maintenus, si vous voulez, sur les Néandertaliens qu'on connaît plus tard, même sur la fin de leur histoire, autour de 50-40 000 ans. Donc c'est un processus d'accrétion de caractère donc qui se fait lentement, graduellement au cours du temps. Ça reste valable aujourd'hui. Donc on peut les enraciner assez loin, si je puis dire, dans le temps. Il y a quand même ces fossiles qu'on connaît bien, ils sont très nombreux à la Cima de los Huesos en Espagne, datés autour de 450 000 ans, qui eux présentent déjà un très grand nombre de caractères néandertaliens. Donc si on veut un point de départ chronologique, ça peut être celui-là, autour au moins de 450 000 ans en Europe. Mais plus on avance dans le temps, plus leur forme est particulière et bien connue. Ludovic Slimak. Ce qui est intéressant, si on se pose la question justement sur ce qu'est Néandertal, c'est qu'effectivement, on va, c'est ce qu'on a fait dans notre histoire, on va partir sur les traits osseux parce que ce sont les éléments concrets les plus évidents, c'est ce qu'on a et on va pouvoir faire des mesures, des statistiques et voir, dire voilà, ça c'est un crâne néandertalien, ça c'est une dent néandertalienne. Effectivement, ces traits-là vont être de plus en plus évidents à travers le temps et donc c'est au moment de l'extinction, quand on est dans les 10 derniers, 15 derniers millénaires, qu'on est face à des populations qui sont pleinement néandertaliennes, qui sont absolument néandertalisées. C'est un processus, la néandertalisation. Mais si on focalise ainsi sur le caractère osseux, on n'interroge pas la matière humaine, parce que la matière humaine, c'est ni la forme des os, ni la couleur de la peau. Ça, c'est les outils qui vont nous permettre de trisser des liens et de voir des évolutions et de comprendre la partie biologique de nos humanités. Et nous autres humains sommes deux choses, sommes nature, nos ossements entre autres, et nous sommes culture. Et c'est au croisement de ces deux chemins qu'on doit essayer de comprendre ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut être humain, pleinement humain, plein et entier, et être quelque chose qui est différent de nous. Amélie Viallet, pour poursuivre, Néandertal n'est pas notre ancêtre, mais un lointain cousin. Quels sont les plus vieux sapiens en Europe ? Alors, en Europe, c'est Ludovic qui vous répondra, mais on a quelques sites autour de 45 000 ans. On peut même peut-être aller un petit peu plus loin. Et puis, là aussi, finalement, la mise en place des caractères typiques des Homo sapiens se prend du temps, se fait de façon graduelle également. Et donc, on peut enraciner ce processus en Afrique du Nord avec les fossiles de Djebel Irhoud autour de 300 000 ans. Voilà, donc là, on a reculé quand même dans le temps. Ces Homo sapiens, ces proto-Homo sapiens vont sortir d'Afrique assez vite, assez tôt. On les retrouve donc dans le corridor levantin, ce qui est Israël aujourd'hui, autour de 180 000 ans. Et puis, ils vont se disperser vers l'Asie assez vite également. Et finalement, ils mettent un peu de temps à arriver vers l'Europe occidentale et sans doute du fait, il y a un petit consensus là-dessus quand même, de l'occupation du territoire par les Néandertaliens qui fait que peut-être la pénétration en Europe occidentale est un petit peu plus difficile. Et puis, il y a un jeu aussi, un peu d'aller-retour entre l'Europe de l'Ouest et puis justement le corridor levantin, qui est tout à fait intéressant et qui montre la diversité dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a différents groupes humains qui peuvent être des proto-néandertaliens ou des proto-sapiens, qui peuvent coexister sur une même période de temps dans des territoires comme le corridor levantin, par exemple, et qui, justement, peuvent partager le même type de comportement technique. Donc là, on revient à ce dont on parlait, c'est-à-dire là, cet aspect culturel de la dimension humaine. Oui, en février, vous dites 45 000 ans, l'arrivée d'Homo sapiens en Europe, et même un peu plus tôt, et ça, je me tourne vers vous, Ludovic Slimak, avec vos travaux parus dans Science Advance. Vous montrez que les premiers Homo sapiens sont arrivés en Europe beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait, il y a 54 000 ans, dans la grotte Mondrain. Oui, si vous m'aviez posé la question il y a un an ou deux ans, je vous aurais dit effectivement Homo sapiens arrive entre le 43e et le 45e millénaire, quelque part du côté de l'Europe centrale ou de l'Europe orientale. Et effectivement, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une arrivée qui est beaucoup plus tôt, dès le 54e millénaire, en Europe occidentale. Donc c'est un saut de 12 millénaires et c'est un saut aussi dans l'espace, puisqu'on n'est plus dans l'Est européen, mais déjà au fin fond de l'Ouest, de l'Ouest occidental, de la vallée du Rhône. Et il est probable que cette vallée, cet immense sillon naturel migratoire, qui est le seul chemin naturel depuis l'Europe méditerranéenne à l'Europe continentale, ait été un espace migratoire très ancien dans le temps. Et non seulement il est probable que ces populations arrivent dès le 54e millénaire, mais c'est un temps très court. Dans notre papier, on parle d'incursion. Et en fait, on sait que ça dure quelque chose comme 40 ans. Donc c'est un temps très court, c'est un instantané. Et après, il y a certainement d'autres vagues. Et ce qu'on a proposé, ce que je développe dans le dernier Néandertalien, c'est qu'en fait, on a très certainement trois vagues sapiens entre ce 54e millénaire et ce 43, 45e. Et donc, finalement, ce qu'on pensait être la première migration était peut-être la dernière de trois grandes vagues migratoires vers l'Europe continentale. Et vous montrez aussi dans cette étude que ces deux populations se sont retrouvées là, au même endroit presque, et même au même moment. Alors, que se passe-t-il dans la tête de ces populations, quelles étaient leurs traditions, leurs manières? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. 16h17 sur France Culture avec Amélie Vialet et Ludovic Slimak. Nous parlons des hommes et des femmes de Néandertal. Nous venons de voir que les Néandertaliens ont perduré un demi-million d'années sur une vaste aire de répartition. En 2016, avec une étude parue dans Nature, nous avons la plus ancienne preuve d'occupation des grottes des premiers Néandertaliens. Les chercheurs datent à peu près de 178 000 ans, cette occupation dans la grotte de Bruniquel. La grotte Chauvet et ses fresques étaient datées de 36 000 ans. Cette découverte a donc complètement bouleversé nos paradigmes, car auparavant, les grottes et leur exploration étaient le monopole des Homo sapiens, Amélie Vialet. Alors peut-être pas tout à fait. Nous fouillons des grottes du côté de Montmorin-Haute-Garonne où on a des occupations donc en grottes qui peuvent remonter à 350 000 ans. On fouille aussi la cône de l'Arago à Tautavel, pas très loin de Perpignan, qui remonte pour ses niveaux les plus anciens qu'on n'a pas encore atteint autour de 700 000 ans. Donc l'occupation en grottes, c'est quelque chose d'assez ancien. Les hommes ont vite repéré sans doute que c'est un lieu évidemment où on peut se protéger, s'abriter. Il faut sans doute défendre son territoire parce que souvent il y a d'autres carnivores qui sont très intéressés pour occuper les lieux aussi, à commencer par les ours par exemple. En revanche, je pense que vraiment le caractère exceptionnel de la grotte de Bruniquel, c'est que c'est dans un réseau karstique, donc de grottes, très très profond. Donc là où il n'y a vraiment pas de lumière, où donc faut arriver avec son propre équipement. Et puis surtout, sur place, ce qui a été mis en évidence, c'est que c'est pas loin de 400 stalagmites qui ont été finalement fracturés et réagencés pour former des structures, donc pour structurer l'espace, pour occuper l'espace, le structurer. Il y a des grands foyers aussi qui ont été aménagés. Alors, pour quelles raisons? On n'a pas la réponse, bien sûr, mais en tout cas, ça montre bien qu'on a occupé ce monde souterrain profond et qu'on y a réalisé certaines activités. Donc ça, c'était un petit peu loin de ce qu'on avait envisagé, puisque les grottes dont je vous parle, c'est quand même plutôt des porches ou alors voilà, des cavités qui sont pas si profondes, dans lesquelles on a toujours quand même un peu de lumière naturelle, etc. Donc c'est un peu l'intérêt, je pense, de la grotte de Bruniquel il y a 176 000 ans. Oui, depuis cette étude Nature en 2016, il y avait des grottes néandertaliennes plus anciennes, comme vous dites, mais l'intérêt de cette étude, c'est que ça montre que les néandertaliens, comme vous venez de le dire, aménageaient l'espace, que les sociétés néandertaliennes avaient développé un niveau de sophistication, j'y arrive, que l'on pensait propre à Homo sapiens, Ludovic Slimak. Alors, il faisait des choses tout à fait fascinantes, et Bruniquel n'a pas d'équivalent dans nous, dans notre monde Homo sapiens. On n'a pas de construction très ancienne comme ça, de structure souterraine. Il se passe là quelque chose de très particulier qui est peut-être propre à ces sociétés. Et c'est peut-être dans ces formes-là qu'on a les éléments les plus intéressants des interactions entre ces humanités et leurs environnements et leur conception du monde. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est. Le terme cultuel avait été posé dans la publication, et c'est vrai que ce terme de cultuel, de symbolisme, on le prête à Néandertal, on l'explore, et souvent on l'a exploré en projetant à nouveau nos propres manières et nos propres visions du monde. Et là, peut-être justement avec Bruniquel, c'est peut-être quelque chose qui n'est justement pas du tout classique chez Sapiens, mais on ne sait pas trop de quoi ça nous parle. Qu'est-ce que c'est que ces aménagements? De toute évidence, c'est pas des structures domestiques, c'est pas des fonds de cabane, il n'y a pas un silex, les foyers sont sur les accumulations de stalagmites, donc il n'y avait pas de peau tendue là-dessus. Et donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était un luminaire des bas-fonds? Mais alors, est-ce que ces sociétés auraient pensé, dans cette grande salle de Bruniquel, la lumière non pas comme un porteur de lumière avec un flambeau, mais comme un système, comme un grand tout dans lequel on éclaire tout pour tout le monde, et ça nous montrerait aussi des visions du monde qui ne sont pas les nôtres et qui sont tout à fait spécifiques à ces populations. Et puis c'est vrai aussi que on avait peut-être restreint cet univers souterrain aux Homo sapiens, parce qu'évidemment ils nous ont laissé des choses magnifiques comme les peintures pariétales, dont les plus anciennes, vous l'avez dit, sont à la grotte Chauvet, autour de 32 000 ans, quelque chose comme ça. Et donc c'est plutôt, ça leur est plutôt réservé, si je puis dire, et de façon assez spectaculaire, avec une maîtrise déjà du dessin, de la gestion du relief, des contours, etc. Et même on pense de la dimension acoustique de ces endroits très particuliers. Et donc, si je puis dire, la dernière bataille dans la réhabilitation de Néandertal par rapport à Sapiens, c'est un peu de gagner ce souterrain, parce que pour l'instant il est restreint quand même. La majorité des témoignages qu'on a, ce sont des témoignages d'Homo sapiens dans ces grottes. Autre grotte d'importance, autre découverte majeure, Taurin, dans la grotte de Mandrin, dans un préprint paru sur Bioarchive, votre équipe Ludovic Slimak rapporte la découverte d'un individu néandertalien tardif surnommé Taurin, découverte faite en 2015 dans cette grotte Mandrin. Mais à l'extérieur, est-ce que vous pouvez nous raconter cette épopée? C'est une épopée fascinante, troublante, inattendue. C'est le thème du dernier Néandertalien, donc de ce livre qu'on vient de publier. Et c'est la première partie du livre, là où je donne les éléments les plus factuels. La dernière fois qu'on avait trouvé un corps néandertalien, c'était en 1979. Et subitement, en août 2015, alors qu'on fouillait à l'extérieur de la grotte, dans la colline, entre deux arbres, entre un chêne et un buis, et en passant à peine un coup de pinceau sur lequel on enlève les feuilles, on voit apparaître 5 dents. Si vous perdez une dent, bon, vous pouvez perdre une dent, mais 5 dents en connexion, si vous perdez 5 dents en connexion, vous avez toutes les chances de mourir. Et donc, il y avait toutes les chances que nous nous trouvions face à un corps. Découverte fondamentale, on se pose, on arrête tout, il est dans les sables, dans des sables qui sont aussi friables que le sable quand vous allez à la plage. Comment est-ce qu'on va faire pour extraire ces vestiges sans les faire bouger? Même si je passe le plus petit pinceau, je vais faire bouger mes dents, je vais plus avoir l'orientation. Il est pris la décision à ce moment-là de nous doter de pinces à épiler et d'enlever chaque grain de sable. Ce que je raconte dans ce livre, on va enlever pendant 7 ans, grain à grain, jusqu'à découvrir à la fin 31 dents. Les deux maxillaires complets, mandibule, fragment de crâne, main gauche. Et pour l'instant, on n'a ouvert qu'un petit rectangle de rien du tout sur 10 cm d'épaisseur, 35 cm de largeur. On a un corps qui est là, qui est en train d'apparaître et qui nous parle de beaucoup de choses, qui nous parle de ces populations qui sont peut-être les derniers néandertaliens, sauf que, surprise, Dès qu'on trouve ces vestiges, il me vient à l'esprit qu'il faut immédiatement en extraire de l'ADN, car les chocs thermiques, les changements de milieu de ces ossements risquent d'en altérer la lecture et la préservation. On envoie immédiatement un tout petit fragment de racine dentaire, et dont on sait que les racines dentaires sont souvent des recueils parfaits pour l'ADN. Et très rapidement, nos généticiens nous disent « oui, c'est un néandertalien et il a 105 millénaires ». Va s'ouvrir cette année d'enquête, c'est ce livre dans lequel on va essayer de comprendre qui de la génétique ou des sciences humaines se trompe. Et dans une partie d'échec, bon enfant, où tout le monde essaie de comprendre pourquoi quelque chose ne fonctionne pas. Alors qui de la génétique ou des généticiens, des archéologues, comme vous dites, vous avez mis donc 7 ans de processus de datation, c'est très long. De quand date-t-il ce taurin ? Eh bien, ce taurin, après 7 ans, et on a travaillé avec de très nombreuses équipes, on est plus de 45 chercheurs à l'international, on a fait des isotopes, on dit s'il a 105 000 ans, il doit être en climat tempéré, et puis tous les isotopes nous disaient froid, froid, froid, on me dit mais alors peut-être qu'il était en climat tempéré, mais qu'il venait, par exemple, des milieux montagneux où il ferait froid, alors on a cherché des marqueurs cristallins, et puis on n'en a pas trouvé, on a compris qu'il était local, et à la fin, on a réussi à le dater avec des équipes australiennes, et là, on a obtenu des mesures directe. On avait tenté avec les meilleures équipes d'Oxford, ça n'avait pas vraiment marché, ils nous avaient encore donné d'autres résultats, l'énigme devenait de plus en plus épaisse, et finalement ce sont des Australiens qui ont réussi à le dater et qui ont donné l'âge du niveau archéologique dans lequel on l'avait retrouvé, et donc Taurin était bien le représentant d'une des dernières populations néandertaliennes. Mais alors pourquoi est-ce que les généticiens nous disaient qu'il avait 105 000 ans ? À ce moment-là, nos généticiens remoulinent ce que j'explique dans le livre. Ils font retourner tous leurs modèles en disant « il y a quelque chose qui nous a échappé, quelque chose qu'on n'a pas compris ». Ils réintègrent Taurin dans un métamodèle statistique dans lequel ils intègrent tous les néandertaliens et tous les génomes complets anciens qu'on a. Et au bout de plusieurs mois, ils me disent « oui, il a 45 000 ans ». Mais en fait, le problème était quoi ? Était que cette population des derniers néandertaliens, on les connaît bien, les derniers néandertaliens génétiquement, c'est une population très très homogène à travers toute l'Europe, très très homogène du point de vue des gènes. Et là, quand ils ont extrait, ils ont réalisé que cette population-là était profondément divergente et avait passé 50 millénaires sans échanger sa population, sans échanger aucun gène avec les autres néandertaliens, même des néandertaliens qui étaient là à quelques centaines de kilomètres. Et là, on a compris qu'on avait certainement une clé de l'extinction de ces populations, d'autant plus que, en même temps, nos généticiens nous disent « mais il y a un autre néandertalien qui est exactement le même et qu'on pensait aussi ancien entre 80 et 100 000 ans, et c'était à la pointe sud-ouest de l'Europe, à Gibraltar, un crâne trouvé en 1848, trouvé avant Néander, et dont les équipes ont réussi à extraire il y a 2 ans un petit peu d'ADN, et c'était la même population à 1700 km de la grotte Mandrin. Amélie Vialet, la population néandertalienne s'est éteinte autour d'il y a 42 000 ans, donc avec Taurin, on est vraiment sur un des tout derniers représentants de l'espèce ? Oui, c'est ça. Il y a sans doute une période de coexistence hein, avec ces sapiens dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui sont donc en Europe autour de 40-45 000 ans. C'est un schéma, vous parliez tout à l'heure de cette diversité des populations qu'on peut avoir au même endroit, au même moment, qu'on retrouve dans le corridor levantin, donc actuellement le pays d'Israël, où on a justement découvert, grâce aux fouilles de sauvetage qui ont été réalisé récemment, 2 sites intéressants, celui de Kézem et celui de Necher Ramla. Kézem parce qu'il nous amène plus loin dans le temps, puisque les niveaux sont datés autour de 400 000 ans. On n'avait pas de fossiles aussi anciens pour cette région. Et puis qui présente des caractères assez primitifs. Donc on est sur une population qui est l'équivalent un peu de ce qu'on a en Europe occidentale, avec des caractères mélanges, un peu de caractères primitifs et de caractères qui seront maintenus chez les Néandertaliens. Donc on est autour de 400 000 ans. Et puis on a dit qu'on avait une arrivée de ces sapiens d'Afrique autour de 180 000 ans, quelque chose comme ça. Et puis donc Necher Ramla, ces récentes découvertes, là on a des fossiles qui ne sont pas encore tout à fait des Néandertaliens non plus. On est autour de 140 000 ans. Hein. Et des découvertes très anciennes, cette fois-ci de Dorothy Garrod, dans la grotte de Taboun par exemple, avait déjà livré, alors sans doute du Néandertalien, sans doute du Sapiens, peut-être les deux, enfin c'est un petit peu complexe, mais on est autour de 160 000 ans. Donc vous voyez que ça se rétrécit, hein. On est dans cette période de temps, 160, 140 000 ans, on a déjà deux, trois groupes un peu différents. Un groupe Néandertalien archaïque, un groupe peut-être Néandertalien et un groupe peut-être déjà Sapiens. Et tout ce petit monde fabrique les mêmes outils de pierre. Donc il y a forcément, de toute façon, des échanges et peut-être des échanges de pratiques, en tout cas une communauté technique, si je puis dire, alors qu'on a des groupes qui, biologiquement, sont un petit peu distincts. Et puis ensuite, l'histoire se poursuit avec des sapiens qu'on connaît bien autour de 90 000 ans pour les sites de Kafzé. Et puis un petit hiatus, là, on n'a pas vraiment de traces, ni de Néandertaliens, ni de Sapiens. Il faut attendre 60 000 ans pour avoir vraiment des Néandertaliens un peu typiques, comme on le disait tout à l'heure. Et ceux-là, on pense qu'ils arrivent sans doute d'Europe occidentale, parce que justement, ils arrivent un peu comme ça, tout bien Néandertalien, tout bien fini, à 60 000 ans. Et puis à 55 000 ans, on a aussi des nouvelles vagues d'arrivées sapiens, avec la grotte de Manotte, par exemple, avec un équipement, la technique, qui est un peu différent. Que connaît-on des circonstances de la cohabitation entre Homo sapiens et Néandertal à la Grande Mandrin et au Levant? Que connaît-on des relations entre ces deux humanités? On répond à ces questions dans quelques instants. Mr. Day Caveman à 16h32 sur France Culture, car nous parlons de ces hommes des cavernes que sont les Néandertaliens. On en parle en compagnie de nos deux invités du jour, Amélie Vialet, paléanthropologue, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Ludovic Slimak, archéologue, chercheur CNRS au laboratoire CAGT de Toulouse et l'auteur du dernier ouvrage, Le Dernier Néandertalien. Alors nous venons de voir qu'il a fallu 30 ans de fouilles dans la grotte Mandrin pour démontrer la présence d'humains modernes en vallée du Rhône, terre occupée par les Néandertaliens. Ludovic Slimak, la Grotte Mandrin, c'est le lieu du premier contact entre Néandertal et Sapiens. Enfin, est-ce qu'on sait comment s'est passé ce premier contact entre ces deux humanités? Le très grand problème de ce contact-là, c'est que quand on essaie de comprendre ce qui s'est passé entre Néandertal et Sapiens, on est sur les résolutions du carbone 14. Quand on dit sur un territoire, là il y a Néandertal, là il y a Sapiens, c'est quand on travaille entre 40 et 50 000 avec les meilleures équipes au monde, Oxford par exemple, s'ils arrivent à avoir une résolution à plus ou moins 1000 ans, c'est qu'ils sont très forts, c'est qu'ils sont très très bons. Et à plus ou moins 1000 ans, c'est le grand exemple que je donne classiquement. Vous aviez Charlemagne à votre gauche et Jules César à votre droite. Est-ce que vous avez dîné avec eux? Est-ce que vous êtes rencontrés? On n'en sait rien. Et globalement, cette résolution-là, on l'a partout. Et face à cet antagonisme, on a travaillé pendant presque presque 20 ans à Mandrin sur des dépôts qui avaient la possibilité de nous donner une résolution dans laquelle on basculait non plus de plus ou moins 1000 ans mais à plus ou moins 6 mois. Et pour faire ce saut dialectique incroyable, on a travaillé sur les dépôts de suie qui s'étaient déposés sur les voûtes de la grotte durant les millénaires. À chaque fois que les populations passaient, ils faisaient un feu, la paroi se noircissait, et quand ils repartaient, la paroi se recouvrait de calcite. Et quand ils revenaient, ça se renoircissait. Et noir blanc, noir blanc, noir blanc, noir blanc. Donc c'est une première suie découverte 2006, première publication 2017, une thèse de doctorat remarquable soutenue à Paris-Sorbonne par Ségolène Van de Velde. Et on s'aperçoit que là où on a 12 niveaux archéologiques, Ségolène me dit, tu as 500 phases de passage dans la grotte, de phase de feu dans la cavité. Et d'un coup, les résolutions sont plus du tout les mêmes. Et c'est là-dessus qu'on peut dire, nos homo sapiens, il y a 54 000 ans, sont venus une fois par an dans la grotte pendant 40 ans. Plus ou moins 4 ans. Et le temps qu'il s'est passé entre le dernier feu néandertalien dans cette grotte et le premier feu sapiens, au moment de la première migration du 54e millénaire, elle est de plus ou moins 6 mois. Et donc les territoires, c'est ça qui est fabuleux, c'est ce que j'explore dans Néandertal nu et dans le dernier Néandertalien, c'est cette question du contact et de ce qu'elle nous dit. Et là, le seul site où on a une vraie résolution et où on touche du doigt le contact entre les deux populations, on voit pas de changement dans les traditions néandertaliennes. Comme on dit toujours, sapiens arrive et Néandertal s'adapte et il y a ce qu'on appelle la transition et il y a une lumière technique qui est apportée par sapiens chez Néandertal. Et en fait, quand on a une haute résolution, on s'aperçoit que les processus de transmission ont effectivement existé entre ces deux populations, mais en tout cas à la grotte Mandrin, si transmission il y a eu, cela a été de Néandertal vers sapiens, et en particulier dans la connaissance des ressources siliceuses et des gîtes de silex qui pouvaient être localisés à une centaine de kilomètres sur un territoire très large qu'on estime à plusieurs milliers de kilomètres carrés, puisque c'est un cercle de 100 kilomètres dans toutes les directions. Et sur ce territoire-là, dans chaque phase culturelle, on a 12 niveaux principaux. À chaque fois qu'on a des changements de culture néandertalienne, on a des changements de territoire et des changements de mode d'approvisionnement dans les silex. Et l'élément sidérant, c'est que l'insertion dans le territoire des derniers néandertaliens et celui des premiers homo sapiens, c'est strictement le même, avec des traditions techniques complètement différentes, mais sapiens, immédiatement, et alors qu'il ne restera là que 40 ans, et en 40 ans, on peut pas connaître des milliers de kilomètres carrés, va connaître chaque ressource, chaque recoin de chaque vallée, ce qui induit que ces deux populations ont été ici en contact direct, en bonne entente, et que même potentiellement, ces sapiens ont bénéficié de guides néandertaliens. Amélie Viallet, vous évoquiez vous aussi tout à l'heure au Proche-Orient qu'on a un peu de culture commune, les assemblages de pierres taillées, on a les mêmes pratiques pour les deux humanités. Est-ce que d'un point de vue technique, est-ce que c'est un partage volontaire, un développement de techniques indépendantes? Comment interprétez-vous tout ça? Alors moi je me garde bien d'interpréter parce qu'en plus c'est pas strictement mon domaine, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que oui, c'est peut-être un peu comme une espèce de mode qu'on partage. Enfin, finalement, c'est ce qui s'appelle aussi une civilisation à un moment donné. Et ce sont des traditions que l'on va partager. Mais ce qui me semble le plus important dans l'histoire, c'est que c'est partagé par plusieurs entités biologiques différentes, plusieurs humanités, comme on dit, entre guillemets. Et ça, même dans l'histoire des sciences, c'est un point de rupture important, parce qu'on avait tendance à associer une forme humaine fossile à un type de production techniques de production lithique, hein, d'outils de pierre, et finalement avec le modèle du Proche-Orient d'abord, puisque c'est celui qui a été mis au jour le premier, on a pu montrer que c'était pas tout à fait vrai et que finalement différentes humanités peuvent partager des mêmes pratiques. Puis il y a ces techniques lithiques, hein, donc de la pierre taillée, mais il y a aussi la pratique des pratiques culturelles comme celle de la sépulture. On va retrouver des Néandertaliens déposés en pleine terre, comme on va retrouver des homo sapiens déposés en pleine terre. Alors là, je vais lever un lièvre. Et il y a quelque chose de fascinant dans les systèmes techniques passés. Effectivement, si on prend les grands schémas, on a des grands systèmes, des grandes traditions, on va dire, on appelle, nous, de manière technique, du levallois, du discoïde, des racloirs, ce genre de choses. Quand on se met à ce niveau-là, toutes les populations, et sur Terre, dans la corne de l'Afrique, on retrouve la même chose. Pas qu'en Europe, le Levant, l'Afrique, on voit, on dit, mais tiens, ils font les mêmes choses. Et le lièvre que j'ai levé, c'était dans Néandertal nu, et c'est l'élément troublant. Quand on regarde, et quand on va en Afrique, et j'ai prospecté en Afrique, en Éthiopie, à Djibouti, j'ai travaillé 7 ans en Turquie aussi, quand on regarde des industries sapiens anciennes, qui ont les mêmes traditions techniques génériques que celles de Néandertal, ce qui est sidérant, c'est que si on prend les silex, on les met sur la table, au bout de 100 silex, on a tout vu. Et les 10 000 derrière vont être les mêmes. Et on est face à des processus de normalisation et de standardisation dans une même famille, effectivement, de techniques. Et quelque chose qui est étonnant, quelque chose qui est troublant et qui, je pense, on était vraiment passé à côté là-dessus, c'est que quand on regarde un objet néandertalien, il peut être fait à partir des mêmes systèmes techniques que ceux que connaissait Sapiens, mais en fait, chaque objet est unique. Il peut être très beau, il peut être souvent, il est troublant, il est élégant, mais ce qui va le structurer, c'est que cet objet, il va falloir le regarder de très près, parce que le million d'objets derrière va être à chaque fois différent. Et là, on touche certainement, non pas à des raisons techniques, à des raisons de chronologie ou à des habitudes, mais à quelque chose de beaucoup plus profond. Et ce que je propose dans Néandertal nu, c'est que là, on est face, et c'est la question qu'on n'avait jamais posée, face à des questions d'éthologie. L'éthologie, c'est très simple. C'est la science du comportement. Vous voyez immédiatement si vous avez un chat ou un chien qu'ils ont des comportements qui sont radicalement différents. Et la question qu'on n'avait jamais posée, c'est a-t-il existé une éthologie néandertalienne? Et si on pose la question et qu'on regarde ces millions d'objets, on s'aperçoit que finalement les conceptions du monde sapiens qui sont très linéaires sont nos conceptions du monde et les conceptions néandertaliennes sont incroyablement créatives et nous sont extrêmement exotiques. Et sur la question de l'art pariétal, la question reste ouverte pour Néandertal, hein, savoir s'il avait ou non cette capacité, la créativité, c'est en fait ce qu'on observe chez Néandertal. On sait aussi que Néandertal utilisait une grande variété d'armes de chasse différentes. Mais lorsqu'on se demande pourquoi Néandertal s'est éteint, l'une des hypothèses est qu'il était tout de même moins bien armé qu'Homo sapiens. Bonjour Natacha Demoule. Bonjour Natacha. Alors cette hypothèse est discutée, on met en avant d'autres raisons pour cette extinction, mais est-ce que deux groupes avaient vraiment des technologies de chasse différentes? Vous vous êtes penché sur une arme bien particulière, l'arc. Oui, c'est que l'arc présente plusieurs intérêts. Il permet de rester à distance de la proie et permet aussi d'avoir un carquois, et donc plusieurs flèches sur soi. Il pourrait procurer un net avantage aux chasseurs qui l'utilisent. Laure Metz est archéologue, elle est chercheuse associée au laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique au CNRS, et elle fouille à la grotte Mandrin. Dans ce site, unique en France, il y a des niveaux archéologiques qui ont été occupés par des néandertaliens, entrecoupés par un niveau, le niveau E, associé à Homo sapiens. Et à ces différents occupants sont associés différents types de pointes. Est-ce que ces pointes ont été utilisées comme armes? Si oui, est-ce qu'elles étaient emmanchées sur des flèches et propulsées avec un arc? Laure Metz nous montre toutes les méthodes qu'elle doit combiner pour répondre à ces questions. Alors ce qu'on entend là, c'est le tir d'une flèche tirée à l'arc. Et ce bruit, c'est le bruit d'impact que fait la flèche lorsqu'elle pénètre l'animal. Donc c'est un professionnel de tir à l'arc traditionnel qui tire sur une chèvre. Alors la chèvre a été préalablement, on va dire, tuée, donc c'est-à-dire que c'est une chèvre qui est déjà morte, mais qui est suspendue de manière anatomique pour que l'on retrouve exactement les conditions lors d'une chasse, donc d'une chasse préhistorique. Pourquoi mettre en place ce dispositif original? Alors, à la base, c'est qu'on a retrouvé dans les sols archéologiques des éléments de pointe, des éléments de pointe qui sont fracturés en bout et qui, avec l'analyse tracéologique, donc l'étude de ces fractures, ont montré qu'elles pouvaient être emmanchées en bout de fût et donc servir comme élément d'arme. Donc une fois qu'on a ça, on se pose la question de si ce sont réellement des armes et si ce sont des armes, comment elles ont été propulsées. Et donc, en me parlant, vous êtes en train de manipuler une petite pointe de flèche, donc de moins de 1 cm. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous la décrire déjà, nous expliquer comment elle a été fabriquée, et donc est-ce que c'est une pointe de flèche archéologique ? Alors, cette pointe de flèche que j'ai entre les mains, c'est une pointe de flèche expérimentale. C'est celles qui ont été utilisées lors de mes expérimentations de tir. Ce sont des répliques parfaites de celles que l'on a retrouvées à la grotte Mandrin. Donc, on a essayé. Donc, ce sont des collègues à moi qui ont taillé pour moi, qui m'ont reproduit ces pointes. Ensuite, j'ai un ami, Christian Trubert, qui est le tireur à l'arc, qui lui me les a montées en bout de fût. Donc, qui me les a créées, qui me les a transformées en flèches, en sagaies, en armes d'ast. Donc, en fonction de leur dimension. Donc, là, vous voyez, celle-ci, elle fait ma dernière phalange, elle fait même pas l'ongle de mon doigt, elle est toute petite. Celle-ci, elle s'est fracturée. Au moment, c'est pour ça que j'ai plus que la pointe. Là, j'ai plus son fût, parce qu'au moment de l'impact, en fait, il y a plus que l'extrémité que j'ai retrouvée dans l'animal. Le reste est resté emmanché dans le fût. Et cette pièce-là, une fois que je l'ai récupérée de l'animal, je vais l'analyser, je vais la nettoyer, je vais l'observer sous la binoculaire. Je vais prendre des photos. Alors bien sûr, en amont, j'ai pris des photos avant l'utilisation des pièces, ainsi que des dessins. J'ai fait les dessins de chaque élément que j'ai tiré, pour après comparer, pour voir ce qui manque. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des fragments qui ont sauté? Est-ce que j'ai des enlèvements, des fractures, bien sûr. Donc, avec cette façon de faire, on peut facilement voir l'avant et l'après, après le tir. Et donc, le résultat de vos recherches, c'est que ces petites pointes légères auraient été utilisées avec un arc. Voilà, en ce qui concerne à la grotte Mandrin, dans ce niveau E, ce sont les nanopointes, donc c'est les toutes petites pointes, celles qui sont les plus petites, les plus étroites, les plus légères. Le seul moyen, parce que nous l'avons testé hein, expérimentalement, le seul moyen pour que ces petites pointes soient fracturées en bout, ça a été une propulsion à l'arc. Autrement, elles n'auraient jamais pu se fracturer ainsi. Ces tout petits éléments qui sont très légers, hein, vous le mettrez dans votre main, c'est vraiment tout petit. Il faut... Ah oui, ça pèse quelques grains de riz. Voilà, c'est entre 1 et 2 grammes. Et pour compenser cette légèreté, parce que quand c'est très léger, si vous le lancez à la main, bon, ça rebondit en fait, ça ne pénètre pas l'animal. Il faut compenser cette faible énergie, hein, on doit la compenser par quelque chose de fort. Et là, entre autres, c'est la vitesse et c'est l'arc qui va compenser cette faiblesse et qui va permettre à cette toute petite pointe de pénétrer l'animal et même de la traverser. Et donc ça, c'est un résultat qui est important à plusieurs égards ? Alors, l'importance de cette découverte, c'est que nous avons mis à jour que ce niveau-là était attribué à du sapiens. Et ce qui est intéressant, c'est que donc moi, dans mon étude, j'ai étudié le niveau où vous trouvez ces micrones et ces nanopointes, hein, le niveau néronien, mais également les autres niveaux hein, de la couche Mandrin. Donc, j'ai étudié 6-7 niveaux, hein, donc qui sont des niveaux attribués à Néandertal. Et j'ai étudié également les armes, j'ai recherché les armes de ces peuples-là. Et nous n'avons pas du tout ces mêmes technologies. Nous avons des armes qui sont des armes traditionnelles de cette période-là, donc de la fin du Paléolithique moyen, qui sont des armes lourdes, massives, qui sont des armes soit lancées, soit directement plantées dans l'animal. Mais pas du tout ce type d'armes qui sont des armes propulsées. Alors c'est la propulsion mécanique, on appelle ça. On ne le voit pas du tout pour les populations néandertaliennes. Merci Natacha Demoule pour ce reportage. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Ludovic Slimak ? C'est un travail de long terme qu'a mené Laure Metz. C'est un travail de fond sur des milliers d'objets. Un travail aussi de recherche expérimentale avec des séries de tirs très très importantes avec toutes les technologies à la main, au propulseur, à l'arc pour voir couvrir l'entièreté du champ des possibles. Et à la fin, le seul champ possible pour reproduire les fractures que Laure découvrait était effectivement l'archerie, faisant reculer de 40 millénaires pour l'Eurasie ces technologies, et les associant à ces homo sapiens. Mais pour autant, ce qui est important, ça donne des, comment dire, une supériorité objective, mais je pense pas que ce soit un élément clé, un élément fondamental dans les interrelations entre ces sociétés humaines. Et ce qui va être important, ce sont toujours les réseaux sociaux et non pas les technologies. Et ces technologies-là étaient une anecdote qui a été certainement très profitable à Homo sapiens, mais ce que j'explique tant dans Néandertal Nu que dans le dernier Néandertalien, c'est que c'est certainement au niveau des structures mentales de ces deux populations qu'on va pouvoir résoudre cette énigme néandertalienne et la question qu'on va certainement se poser maintenant de son extinction. Bien oui, on arrive à la fin de cette émission et donc on va parler de la fin de Néandertal. Il y a énormément d'hypothèses, certaines plus fumeuses que d'autres. Selon vous, quelles sont les hypothèses les plus crédibles pour expliquer la disparition de l'ensemble d'une espèce, Ludovic Slimak? Eh bien, le sous-titre du dernier Néandertalien, c'est « Comprendre comment meurent les hommes ». Et la première partie est effectivement l'élément factuel, la découverte incroyable, la génétique bouleversante, et qui nous amène ensuite sur maintenant qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on doit comprendre. Et ce que je vous évoquais tout à l'heure sur ces questions de standardisation et de normalisation qu'on voit même dans les périodes très anciennes chez Sapiens, dans des logiques qui nous sont immédiatement évidentes et dans des logiques qui sont radicalement étonnantes et de côté chez Néandertal. Quand on prend un objet néandertalien, à chaque fois qu'on l'a dans la main, on est dans une partie d'échec. On se dit, mais où est-ce qu'il a voulu aller? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi? Et souvent, on a l'impression de cette dialectique avec les roches en fonction de la roche, de sa couleur, de sa texture, de sa morphologie. On va adapter son artisanat, ses traditions et son projet. Alors que chez Sapiens, on va avoir cette systématisation, quels que soient les environnements. Et je pense que c'est dans ces... Une fois que dans Néandertal Nu, j'ai défini cette autre humanité, ces structures mentales, dans le dernier Néandertalien, on peut commencer à s'interroger. Et il me semble que ces standardisations, qui sont en même temps quelque chose de terrifiant, chez Sapiens, ces standardisations-là ont donné une efficacité qui a tout balayé sur son passage. Alors que Néandertal était beaucoup plus fragile, subtil, créatif et en adéquation avec de petits environnements dans lesquels il était. Et je pense que c'est dans ces adéquations-là et ces inadéquations dans les visions du monde et dans les manières d'être au monde que va se jouer cette extinction. Amélie Vialet, sur cette extinction, pourquoi c'est justement au moment où les hommes modernes arrivent en Europe que le déclin de Néandertal commence? Quelle est la part de responsabilité de Sapiens dans cette extinction? Je ne pense pas qu'on arrive à la connaître en détail, mais c'est sûr qu'on fait le lien, forcément. Sur la fragilité dont on parlait à l'instant, je pense qu'il faut évoquer la fragilité physiologique, biologique, s'imaginer des populations qui sont en petit nombre, hein, enfin je dirais un petit nombre d'individus dans chaque groupe, donc ça c'est une fragilité bien sûr pour faire face à des changements quels qu'ils soient. Les changements, c'est Homo sapiens qui arrive dans ce maillage du territoire des Néandertaliens et qui le perturbe. Ça peut être des changements environnementaux, ça peut être des changements dans les ressources alimentaires, et tout ça, ben, pour y faire face, c'est vrai que si vous êtes un petit groupe avec un système de reproduction qui est peut-être pas tout à fait efficace ou une mortalité infantile qui est assez importante, eh bien évidemment c'est finalement assez fatal, j'imagine. Mais si on veut être un peu plus optimiste, on peut se dire qu'on a toujours ce petit pourcentage de gènes en nous qui fait que les Néandertaliens n'ont pas tout à fait disparu. Voilà, et puis c'est sans doute, comme vous dites, Néandertal n'a pas tout à fait disparu. Et puis sur cette question de la fin, il faut bien comprendre que cette extinction d'une espèce c'est jamais une seule cause. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Je rappelle, Ludovic Slimak, que votre ouvrage est disponible en toute bonne librairie. Il est temps de retrouver Étienne Klein et sa chronique Le Pourquoi du Comment. Merci. Comment l'éther luminifère a pu un temps coloniser le vide? À la fin du XVIIe siècle, Newton considérait que la lumière était une sorte de mitraille constituée de corpuscules se déplaçant dans l'espace vide. Mais au début du XIXe siècle, à la suite d'expériences menées par Thomas Young et Augustin Fresnel, s'imposa peu à peu l'idée que la lumière est un phénomène non pas corpusculaire, mais ondulatoire. Elle est capable en effet de produire des interférences, comme le font des ronds dans l'eau quand ils se croisent. Cette découverte fut à l'origine d'une mémorable erreur d'aiguillage qui ne sera corrigée qu'en 1905. Les physiciens se mirent à croire en l'existence d'un éther emplissant tout l'espace. Pourquoi son existence était-elle si nécessaire à leurs yeux? Parce qu'à cette époque, une onde était systématiquement considérée comme une entité physique qui progresse en faisant vibrer quelque chose du milieu dans lequel elle se propage. Ainsi, au passage d'une vague, phénomène ondulatoire par excellence, c'est l'eau qui vibre, ou plus exactement sa surface, permettant à la vague qu'elle porte de se propager. Dans le cas de la lumière, pensaient les physiciens, ce qui vibre à son passage, c'est l'éther. L'éther dit luminifère, c'est-à-dire porteur de la lumière. L'espace n'était donc plus vide. Mais de quoi cet éther était-il fait ? Avait-il une structure constituée par exemple de petits ressorts ? Était-il plutôt solide, plutôt élastique ? Avait-il une masse non nulle ? Après quelques hésitations, une première conclusion s'imposa. L'éther ne ressemblait à aucun matériau connu. Il était sans masse, invisible, dépourvu de viscosité, et il n'avait en définitive qu'une seule propriété fondamentale, l'immobilité absolue. Or, cette conclusion contredisait de plein fouet la mécanique de Newton, qui repose notamment sur le principe de relativité, selon lequel le mouvement est comme rien, pour reprendre les mots de Galilée. Qu'est-ce à dire ? Que les lois physiques ne sont pas modifiées par le mouvement. Si, roulant à vélo à vitesse constante et en ligne droite, je laissais tomber une pierre, celle-ci suivrait par rapport à moi, c'est-à-dire dans le référentiel où je me trouve, la même trajectoire que si ma bicyclette était à l'arrêt. Elle chuterait, de mon point de vue, selon une droite verticale. Le principe de relativité implique donc qu'une stricte équivalence démocratique unifie tous les référentiels. Qu'un référentiel soit au repos ou en mouvement, ne modifie en rien ce qui s'y passe, au sens où les phénomènes physiques y conservent la même allure et les lois physiques la même forme. Par conséquent, il n'existe pas un référentiel particulier qu'on pourrait distinguer des autres en prétendant qu'il serait immobile dans l'absolu. En effet, sitôt désigné, un tel référentiel pourrait toujours être considéré comme en mouvement par rapport à d'autres référentiels ayant exactement le même statut que lui. Rien n'est immobile dans l'absolu, dit en somme la mécanique de Newton. L'éther luminifère est absolument immobile, clame de son côté la théorie ondulatoire de la lumière telle que comprise à l'époque. Comment résoudre cette contradiction ? Les physiciens proposèrent toutes sortes d'hypothèses, mais sans jamais remettre en cause l'existence quasi sacrée de l'éther luminifère. Mais un certain Albert Einstein, alors tout jeune, n'était pas prêt à les suivre les yeux fermés. Il tenta de changer la perspective en effectuant un pas de côté. En août 1899, au beau milieu de ses vacances, il écrivit à Mileva Maric, qui deviendrait plus tard sa femme, « Je crois que les forces électriques ne peuvent être définies correctement que dans un espace vide. » Fin de citation. Dès cette époque, l'idée d'un éther luminifère était donc devenue problématique pour Einstein, alors âgé de seulement 20 ans. 6 ans plus tard, en 1905, il l'enterrerait définitivement en affirmant que ce mystérieux milieu est superflu. Cette mise à mort conceptuelle serait l'un des ferments de sa théorie de la relativité restreinte. La lumière n'a besoin d'aucun support pour se déplacer dans l'espace. Contrairement au son, elle voyage par elle-même dans le vide. Elle est une vibration autonome et non plus l'ébranlement d'un milieu, l'éther, qu'elle traverserait en prenant appui sur lui. Quant au vide, jusque-là éthéré et désormais vidé d'un seul coup, il se transmuta en espace pur, plus exactement en espace-temps pur. La messe du vide était-elle dite pour autant ? Non, bien sûr, car en physique, aucune messe n'est jamais totalement dite. Ce qui suffit à distinguer la physique de cette chronique dont l'heure de fin vient justement de sonner. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous d'être avec nous. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Natacha Demoul, Nafi Terrasse, Garance Prima Agnolo, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Audrey Guélil. Cette émission, ce podcast à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.